guitariste Ndikoma Nyanga. Anselme Irambona est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganero à ce journal. Donc, voici d'abord les grands titres. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, s'insurge contre les politiciens qui ont saisi la communauté internationale. Après les récentes élections, il a dit ce 1er juillet dans son discours commémoratif du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Vous l'entendrez au début de ce journal. 144 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en province Mwaro au cours de 6 premiers mois de cette année par la Direction provinciale du développement familial et social à Mwaro. Les cas les plus fréquents parmi ceux-là concernent les violences économiques dans les ménages. Et 6 élèves de la communauté Batwa ont été orientés au lycée Buhiga de la province Karusi depuis 2022. C'est après la mesure du ministère de l'Éducation nationale que tout élève de cette communauté ayant réussi au concours national de 9e année serait automatiquement orienté à l'école à régime d'internat. Les détails, c'est dans le reportage de Clovis Nyunguru. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page politique. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, s'inscrit en faux contre certains Burundais qui pensent que leurs problèmes trouveront réponse à l'étranger. Il a dit, se basant sur le comportement de certains Burundais qui n'ont pas apprécié les résultats des élections et qui ont fait recours aux organisations internationales comme les Nations Unies et l'Union africaine. Il précise que ceux qui affichent de tels comportements n'ont pas encore compris que le Burundi a eu son indépendance. Le chef de l'État précise que toutes les questions des Burundais seront résolues au pays. Il a dit ce mardi 1er juillet, en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Lors de la célébration de 63 ans de l'indépendance du Burundi, ce mardi le 1er juillet, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a déploré les citoyens qui pensent encore que la solution à leurs problèmes viendra de l'étranger. Il précise que ces personnes n'ont pas encore compris qu'ils ont acquis l'indépendance. Le président de la République a comparé ces gens à ce qu'on appelle les PDC. Tout Burundais qui a un problème et pense que la réponse viendra de l'étranger, ce Burundais n'est pas encore compris ce que c'est l'indépendance. Souvent, nous le voyons et pensons que ce sont ceux qui ont un esprit des PDC, ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont indépendants, qui pensent qu'ils sont gouvernés à l'étranger. Je conseille à ces Burundais de changer de mentalité et de savoir que le Burundi est indépendant. Aucun pays ou aucune organisation prendra des décisions ou gouverner ici chez nous. Tenant compte des résultats des récentes élections, là où il y a ceux qui n'ont pas accepté les résultats, Evariste Ndayishimiye indique que ceux qui ont porté plainte vers les Nations Unies et l'Union africaine, on leur a demandé d'être conscients qu'ils sont Burundais et que la solution sera trouvée au Burundi même. Certains individus ont vu les citoyens n'ont pas voté pour eux et ont fait recours aux Nations Unies et à l'Union africaine demandant secours au lieu d'approcher les citoyens burundais et les demander de soutenir. Est-ce que l'ONU va les voter? Je les supplie de se ressaisir et d'être des vrais Burundais et de savoir que les Burundais, leurs problèmes seront résolus ici même au Burundi. Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, a terminé les cérémonies de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi en remerciant et reconnaissant ceux qui se sont donnés corps et âme au renforcement de la sécurité et la lutte contre la corruption et les malversations économiques, dont un policier et 3 militaires ont été primés. La célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi au niveau national est ayant eu lieu ce mardi au stade Intwari dans Bujumbura, la capitale économique. Un vieil homme habitant Nyamurunga, commune Buyengero de la province Rumonge, est dans les mains de la police judiciaire de Buyengero depuis ce mardi matin. Des sources auprès de certains parmi ses voisins, confirmées par Étienne Havzalimana, administrateur communal de Buyengero, indiquent que cet homme est soupçonné d'avoir tué son fils par des pratiques superstitieuses le 17 juin 2025. Ce responsable communal dit que cet homme est à remettre dans les meilleurs délais au parquet de Rumonge pour des poursuites judiciaires. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent, 6 élèves de la communauté Batkwa ont été orientés au lycée Ouiga de la province Karoussi depuis 2022. C'est après la mesure du ministère de l'Éducation nationale que tout élève de cette communauté ayant réussi au concours national de 9e année serait automatiquement orienté à l'école à régime d'internat. Certains élèves de ces peuples autochtones saluent cette mesure importante. Havzalimana Ferdinand, directeur provincial de l'éducation à Karoussi, indique que la pauvreté est l'un des défis qui pousse ces élèves à ne pas terminer leurs études. Les détails avec Clovis Niyongout. Cette mesure du ministère de l'Éducation, selon laquelle tout élève ici de la communauté Batwa ayant réussi le concours national de 9e année sera automatiquement admis dans les écoles à régime d'internat, a beaucoup encouragé les enfants de cette communauté. Florence Gatangaza et Fabrice Ilishura, tous élèves au lycée Buhiga, affirment que bien que cette mesure soit salutaire, les défis ne manquent pas. Après que j'ai été orientée ici au lycée Buhiga, ça m'a enchantée parce que je ne savais même pas où se localise cette province. On m'a bien accueilli, le directeur de ce lycée et bien d'autres. Arrivé ici, on nous a apporté le matériel nécessaire, dont les cartables, les seaux, les savons et les serviettes hygiéniques, surtout pour nous les filles. Quand j'étais en 8e année, les enseignants nous disaient souvent que nous de la communauté Batwa avons l'accès à l'école à régime d'internat après avoir réussi au concours national de 9e année, même si nous n'aurions pas la note minimale d'étudier à l'internat. Cela m'a poussé à redoubler d'efforts pour que moi aussi je sois orienté au lycée. Adolphe Nitegeka, directeur du lycée Ouiga, qui compte cette année 3 élèves ici de ces peuples autochtones, reconnaît que même son établissement fait face à pas mal de difficultés. Même son de cloche avec Hakizimana Désiré, directeur du lycée Itaou, qui estime que le gouvernement devrait prendre en charge les frais de scolarité de ses élèves. Il y a un manque à gagner parce que ces élèves ne paient pas le minervois. Si une école a plusieurs élèves de la communauté Batwa, vous remarquez qu'il y a un manque à gagner au niveau de l'école avec même les faibles moyens que les écoles à régime d'internat disposent. Donc vous comprenez qu'il y a un manque à gagner qui devrait normalement être compensé par le ministère ou un autre intervenant pour que ces élèves qui ne paient pas le minerval puissent avoir ce minerval qui devrait être payé par ces élèves. Babaklo Odasse, chef d'antenne de l'association Unisono pour la promotion des Batwa Iniproba dans la province de Karoussi, appelle le gouvernement à continuer à les soutenir. Nous demandons que cette mesure soit toujours mise en œuvre. Et pour nous encourager davantage, il faudrait que ceux qui terminent leurs études soient embauchés et cela encouragera aussi les autres. Selon Ferdinand Javieriman, directeur provincial de l'éducation à Karoussi, ces élèves ici de la communauté Batwa montrent une volonté d'être sur le banc de l'école, mais que la pauvreté à laquelle ils font face les empêche souvent de poursuivre leurs études jusqu'au bout. D'après les statistiques fournies par ce responsable, 6 enfants Batwa ont été orientés dans des écoles à régime d'internat dans toute la province de Karoussi pour cette année scolaire en cours. Clovis Niyonguru de Karoussi, rendons-nous en Ngozi, où les filles exécutant des tâches reconnues par la communauté et qu'ils revenaient plutôt aux garçons. y trouvent des moyens pour se satisfaire un besoin primaire dont l'alimentation, celles qui nourrissent le bétail, qui se sont entretenues avec la radio Isanganiro sur la colline Mushitsi, commune Mungumba, indiquent que seule la confiance en elles-mêmes les encourage à faire mieux. Antoinette Nichiteretse, chargée du projet UNICEF Genre au sein du réseau des confessions religieuses pour la promotion de la santé et le bien-être intégral de la famille, explique que les familles ne se lamentent jamais pour avoir mis au monde des filles seulement, puisque ces dernières sont capables de tout faire, les états avec comme un doigt. Ces enfants apprécient que ces activités ne leur font pas peur, même si le voisinage sait qu'elles sont destinées aux garçons. Je m'appelle Catherine à couper de l'herbe pour nos troupeaux du moment que notre berger est parti. J'ai décidé de la prendre pour que je puisse aider mon père à son absence ou s'il n'a pas d'autant. Nous nous entraidons en tout. C'est cela que ces filles mettent en avant, le fait qu'ils génèrent des revenus leur permettant de satisfaire leurs besoins. Lorsque le garçon exécute seul les travaux de nourrir nos troupeaux, si on met ces troupeaux au marché, il gagne seul. C'est ainsi que nous, les filles, décidons de nous y appliquer afin de gagner quelque chose lors de la vente. Le jour où mon père a su que j'ai pu traire sa vache, ça l'a plu tellement qu'il m'a fait une plantation de bananiers. Une fierté chez leurs parents qui les prennent comme des vaillantes. Aller à l'école sans boire de lait était un problème pour elle, mais un jour, elle m'a convaincue qu'elle pouvait traire à l'absence de son père. Ce jour, elle a pu totaliser un demi-litre. Elle a souri et a continué à le faire jusqu'à ce qu'elle soit habituée. La plus-value dans la famille est que ma fille est en mesure d'effectuer toutes les tâches qui peuvent être exercées par les garçons. Antoinette Nichiteretse, chargée du projet UNICEF Genre au sein du réseau des confessions religieuses pour la promotion de la santé et le bien-être intégral de la famille, RCBF, explique que les familles ayant de tels enfants se développent mieux. Le réseau des confessions religieuses pour la promotion de la santé et le bien-être intégral de la famille, en collaboration avec l'UNICEF, a procédé à des formations des couples sur la parentalité positive. Avec ces formations, je dirais que je suis satisfaite, car pour le moment, il n'y a plus de travaux pour les garçons et pour les filles. Et ça, la plus-value, c'est que dans les familles où il y a les garçons seulement, il n'y a pas de souci pour tous les travaux de la maison. C'est la même chose que dans les familles où il y a les filles seulement, il n'y a pas de souci pour les travaux des garçons. Mais aussi pour les travaux qui étaient réservés aux garçons, rémunérés. Par exemple, là où aussi les filles participent, ils amènent quelque chose à la maison. Nazer Nirenganya, conseiller de l'administrateur de Mumba, en charge des affaires sociales, encourage les filles à exercer de tels métiers dits des garçons. Ces travaux génèrent des revenus chez les filles, tout comme chez les garçons. Et le où il peut être encouragé par les dons de la part des parents. Prenons également le cas des garçons en quête de jeunes filles à se marier. Le garçon ne peut pas choisir une fille fainéante qui ne travaille pas, c'est clair. Selon cette autorité, les enfants qui aiment le travail vivent mieux. Omer Ndouaye, dernier dossier de ce journal, 144 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en province Mngaro au cours de 6 premiers mois de cette année par la Direction provinciale du développement familial et social à Mngaro. Les cas les plus fréquents parmi ceux-là concernent les violences économiques dans les ménages avec 74 cas reçus. Le directeur de ce secteur à Mngaro signale d'autres types de violences telles les violences sexuelles, violences physiques et psychologiques et cas de corps retrouvés dans les rivières. Il conseille aux victimes de ces violences de se confier aux organes habilités avant la disparition des preuves. Il remercie l'administration justice, la santé et les partenaires comme le CAFOB pour le suivi des cas de victimes présentés. Avec Laurent Ducolicio. Parmi 144 cas de violence basés sur le genre enregistrés par la Direction provinciale du développement familial et social en province Moaro, de janvier à juin de cette année, 125 cas concernent des femmes et 19 cas concernent des hommes. Mélance Nkurunziza, responsable de la Direction provinciale du développement familial et social à Moaro, les cas de violence économique sont les plus fréquents, où 74 cas de ce type ont été reçus par cette direction provinciale pendant cette période. Il indique que dans certains ménages, les époux gèrent comme ils veulent les patrimoines familiaux et quand leurs épouses refusent cette dilapidation, ils sont par la suite victimes de violences physiques de la part de leur mari. Mouziza Mélance, responsable de la direction provinciale du développement familial et social à Moaro, dit qu'en ce moment, de tels cas sont référés au niveau de l'administration communale et même collinaire pour la réconciliation des deux conjoints. Il souligne que d'autres types de violences basées sur le genre enregistrées concernent les cas de violences sexuelles, où 15 cas de violences sexuelles sur enfants mineurs ont été reçus par son service, 46 cas de violences physiques et 5 cas de violences psychologiques. Il ajoute que 3 cas de corps retrouvés dans les rivières et en cas d'infanticide ont été également enregistrés en cette période. Mélance Nkurunziza conseille aux victimes de ces types de violences basées sur le genre de se confier rapidement aux instances habilitées pour que les auteurs soient poursuivis avant que les signes ne disparaissent. Pour lui, des sensibilisations déjà menées en cette matière ont fait que les cas de victimes de ces violences soient connus. De moi, Laurent Dikolio, Radio Sanganiro. Merci à Laurent Dikulio. C'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme Irambona pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Bonne suite de nos programmes.